Bonjour et bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous pour la prochaine heure. Nouveau rendez-vous parce que c'est la première de l'automne, de la saison automne-hiver. Et puis, pour ceux qui m'ont suivi un peu cet été, on était les dimanches midi, donc c'est un nouveau rendez-vous. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux auditeurs, à ceux qui nous écoutent la semaine au travail, pourquoi pas. C'est ça, la première de la saison pour les différents. Vous pouvez toujours nous suivre via Facebook. On a une page Les Différents pour des fois des questions, des suggestions, des questions en lien aussi avec nos invités. Pourquoi pas, on a toujours le Facebook d'ouvert. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de les transmettre aussi à mes invités. Aujourd'hui, on reçoit, je ne sais pas si vous connaissez, la compagnie de théâtre Entracte. Donc, Entracte, c'est une place qui laisse justement place à la différence. Puis, ben, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'adore justement tout ce qui promouvoit la différence. Donc, Entracte, qu'est-ce que c'est? C'est une compagnie de théâtre, oui, mais qui donne des cours, puis c'est vraiment pas de l'art-thérapie, c'est vraiment des cours de type professionnel pour les gens qui ont des limitations, qui ont certaines limitations. Et puis, on va en parler justement avec mes invités. J'en ai trois cette semaine. Donc, j'ai Jean-François Lessard, directeur artistique de Entracte. Jean-François Plante, participant et comédien de chez Entracte. Et Camille, qui a été une ancienne complice pendant 6 ans. Bonjour à vous trois. Hello. Bonjour. Ça me fait plaisir de faire la rentrée de ton émission dans ta nouvelle case horaire. Bien, ça me fait plaisir que vous ayez accepté, justement. Et puis, j'aimerais ça parler de Entracte. On vient d'entendre Jean-François Lessard, directeur. Est-ce qu'on peut commencer par toi pour dire qu'est-ce que c'est un petit peu Entracte? Ben, écoute, Entracte, c'est pas juste des cours. C'est deux volets d'activité. Et le point commun, évidemment, c'est cette volonté de faire de l'art, de la création, qui est souvent théâtrale, mais quand même qui touche à d'autres médiums, avec des artistes vivant des situations de handicap. Mm-hmm. Et dans un esprit d'énorme collaboration avec l'ensemble de la communauté, tant dans la création comme telle que dans la diffusion, dans le désir de rejoindre le public et de faire acte de culture. Et la culture, ben, ça s'adresse à tous. Et Entracte se divise en deux volets. Il y a le volet formation, les cours, comme tu disais. Oui. Des formations qu'on donne en théâtre, mais aussi en danse. On fait de l'impro, on fait du cinéma et tout et tout. On a même un atelier d'initiation pour les petits nouveaux qui arrivent. Et on a un volet production professionnelle. Production professionnelle qui implique nos artistes les plus talentueux qui se développent dans le cadre du volet formation et qui partagent la scène avec d'autres artistes professionnels de la région de Québec. Dernièrement, ça a donné la pièce Mathéo et la suite du monde. À l'abordé, si je me trompe pas. Oui, qu'on a présenté. Oui, à l'abordé. C'est un texte que j'avais écrit, que j'ai mis en scène et qui impliquait Mathieu Bérubé-Lemay, Julien Fizet-Fredet, qui ont été formés à Entracte, et Jack Robitaille, Marie-Hélène Gendreau, Frédéric Bradet, et toute une super belle gang de concepteurs. Mm-hmm. Super expérience à l'aborder, 20 représentations dans le cadre de la programmation officielle. Ce qui est beaucoup. Oui, absolument, absolument. Alors, déjà, c'est une pas pire petite initiation à ce qu'est Entracte. Oui. Puis j'ai aussi Jean-François Plante, que toi, tu es acteur chez Entracte depuis combien d'années? Depuis 11 ans. Depuis 11 ans que tu vas... que tu as commencé comment à entendre parler un peu d'Entracte? En fait, c'est que j'étais dans une autre dans un autre organisme de théâtre, mm-hmm. où j'étais pendant 4 ans. Et puis, j'avais le goût de... On m'avait un peu parlé que, bon, j'aimerais ça, ça peut être le fun si je faisais aussi de l'improvisation. Donc, j'ai cherché où il se donnait des ateliers d'improvisation. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert Entracte. Je me suis inscrit en improvisation en 2005 avec Entracte. Et puis, j'ai tellement aimé l'ambiance, l'énergie du groupe que j'ai décidé d'en venir année après année. Année après année. Oui. Mais c'est correct. Puis là, tu commences ta douzième saison, là. Oui, dans 12 semaines. Mais là, Jeff, t'as-tu fait juste de l'impro? La première année, oui. Mais après? Après, là, j'ai décidé de me rembarquer en théâtre. OK. Et puis, j'ai fait aussi 4 ans de danse aussi. Ouais. Puis là, tu vas faire de la vidéo cette année? Oui, oui, j'ai décidé de toucher au cinéma cette année. Formidable. Oui, oui. Ben c'est l'esprit en tract. Hein? En tout cas, c'est ce qu'encourage le directeur artistique. L'exploration, touchez à toutes sortes de médiums, amusez-vous, mais apprenez à travers ça. Puis, comme j'ai dit à plusieurs reprises, en tract, c'est un peu comme ma deuxième famille. On s'entend, c'est un esprit de famille que j'ai vu rarement ailleurs. Oui. Puis, la différence d'entracte comparativement, parce que je veux en parler ce matin, parce qu'il y a pas, il y a beaucoup de compagnies qui vont enseigner, il y a beaucoup de formations qui peuvent se donner, même au niveau semi-professionnel, professionnel à Québec, mais il y en a peu qui laissent la place justement aux gens qui ont la mobilité réduite, par exemple, qui ont certaines limitations, comme vous dites sur votre site. J'imagine que c'est facile dans ce temps-là faire sa place comme étant une compagnie qui est quand même assez différente, là, qui dessert des gens qui n'ont pas nécessairement l'opportunité d'aller dans des cours plus dits réguliers, là, ce que j'aime pas comme terme, là, mais qu'on s'en cachera pas. Je sais pas si c'est facile, mais oui. On se démarque, en tout cas. On a senti qu'il y avait une valeur d'appel. On a senti à un moment donné, je dirais, là, il y a 5-6 ans environ, là, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé. D'abord, de plus en plus de complices qui se sont joints à nous. On va en parler dans quelques minutes. Oui, oui. Une explosion du nombre d'ateliers et tout ça. Mm-hmm. Puis, étrangement, même si oui, effectivement, on est la compagnie à Québec se spécialisant le plus, là, parce qu'il faut faire attention... Il y a d'autres petits regroupements qui sont super trippants. Là, t'sais, une chorale à Charlebourg, entre autres, qui font un super bel job. Je pense à la gang de Roux aussi, de Chantal Bonneville, des gens en fauteuil roulant qui dansent. C'est vraiment formidable ce qu'ils font. Mm. Si on regarde en 94, il ne devait pas en avoir tant que ça. Ah non, ça, c'est ça. En track, ça date de 94. C'est quand même pas rien. Tu as fait toutes ces années-là. On est des vieux de la vieille. c'est ça. Il s'est passé de quoi? Puis, étrangement, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où la diversité a été là davantage, à partir du moment où il y a eu une mixité aussi. Cette diversité-là, oui, elle est là dans le processus par rapport à la présence de nos complices. Elle est là dans nos productions professionnelles parce qu'on ne fait pas dans le petit ghetto, là, c'est-à-dire on ne fait pas des spectacles avec uniquement des personnes qui ont des handicaps. Puis elle est là dans notre contact avec le public. À un moment donné, c'était plus juste les amis, les cousins, les parents qui venaient voir les shows, c'était tout le monde. Puis c'est ça, le bout de chemin qu'Entracte a fait, je pense, mais qui n'a pas été facile à faire, parce qu'à la base, là, on ne vend pas de la crème glacée ou des hamburgers. Là. On dit, hey, on fait de l'art avec des personnes handicapées, ça vous tente-tu de venir en faire? Non, non. Ça vous tente-tu de voir ça? À prime abord, il y a des gens qui aiment l'idée, qui font, ah, c'est super trippant, bravo, mais qui ont tendance à pas venir. C'est ça, de là à acheter des billets, c'est autre chose, mais c'est ça, c'est le théâtre en général. Là. Ouais, mais là, les préjugés tombent. Là. Vraiment, on a fait quand même 20 représentations à l'aborder. Avant ça, notre adaptation du Petit Prince, on a tourné partout au Québec pendant plusieurs années. On parle de plus de 70 représentations environ 15 000 et plus là, de spectateurs, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé là, dans les 6-7 dernières années qui fait que c'est devenu mixte, mais c'est un chemin qui s'est fait, c'est ça, disons, mixité, graduellement. La sais. Mixité, c'est depuis combien de temps? Ben, l'intention de mixité en tract est là depuis parce le début. Parce que je veux juste préciser, quand ouais. on parle de mixité, est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu, la mixité des genres, dans le fond, des personnes qui ont certains, est-ce qu'on peut appeler ça des handicaps, des limitations, avec qui sont mixés justement avec des gens qui viennent faire du bénévolat qu'on appelle les complices? Ben, encore là, tu sais, cette idée de mixité-là, là, puis là, on est là pour jaser, puis on a une heure, tu sais. Ah oh, oui, on a le temps. Tu sais, pour moi, là, comment je la percevais il y a 12 ans, puis comment je perçois ça maintenant, comment je percevais le terme de différence que j'utilisais abondamment, et maintenant, moi, personnellement, j'utilise beaucoup plus le mot diversité. Ouais. Et cette mixité-là, oui. Je pense qu'on va expliquer c'est quoi les complices, parce que ça fait deux, trois oui. fois qu'on utilise ce mot-là, puis il y a Camille qui est avec nous. Ben oui, je veux pas. Son micro est allumé, hein. Je veux qu'elle parle, elle aussi. Ben oui. Mais les complices, moi, ouais, je sais, je parle beaucoup. Hein. Non, aucun problème. C'est ma limitation. C'est ma limitation. Parce qu'on en a toutes. C'est ma limitation. Ben oui, c'est ça. C'est ça, on a toutes. L'idée de diversité, de mixité, d'ailleurs, c'est ça à un moment donné. Puis c'est le discours là, de plus en plus l'entraîne, c'est qu'on interroge les limitations qu'on a tous. Et c'est ça. Attention, on n'a pas tous un diagnostic d'handicap. Puis l'idée n'est pas de banaliser l'handicap. Les personnes qui ont un handicap vivent des situations qui peuvent parfois être très difficiles. Mais on n'est pas du tout dans un paradigme qui est, toi, le normal, qui met la main sur l'épaule du pauvre petit handicapé. Tu sais, on est dans une dynamique d'échange entre des gens qui ont tous des bugs. Certains sont plus apparents que d'autres, certains sont plus diagnostiqués que d'autres, mais c'est ça. Mais c'est ça que j'aime. J'aime aussi, justement, de en track. C'est vraiment, il n'y a pas « Ah, pauvre toi », puis il n'y a pas de pitié. C'est vraiment dans le sens que tout le monde est égal à sa façon. Ouais. Si je me trompe pas, c'est ce que j'en ai remarqué, ouais, là, de vous autres, d'entracte. L'empathie est là, mais la pitié, effectivement, c'est bien dit, hein, Mélanie. Mais c'est ça. Bon, bref, mais les complices. Qui sont aussi des assistants, quelque part, de ce que j'en ai compris. Vous allez pouvoir mieux me l'expliquer. Ben, attends, Camille, explique-le donc. Je l'explique. Les complices, en fait, sont un peu là pour aider à la mise en scène ou au chorégraphe ou au, ils participent à la création collective. Donc, on est autant dans le processus d'improvisation, peut-être ça, au début que le groupe au complet. On fait la présentation aussi à la fin, sauf que pendant toute l'année, on est là, dans le fond, pour être comme... je sais pas quel mot utiliser, quel... Mais vous êtes là pour accompagner, pour... Accompagner, mais on dirait que... c'est que c'est tellement une relation donnant-donnant. Puis c'est une des raisons pourquoi on a changé le mot bénévole pour complice, d'ailleurs. Ouais. Moi, je pense que ça décrit mieux les relations entre tous ces comédiens-là. Là. Mm-hmm. Ouais, mais à vrai dire, c'est ça. Il y avait ce désir-là de mixité. Et il y a beaucoup de programmes scolaires, PEI, tout ça, où ce que les étudiants sont incités à aller faire des heures d'implication communautaire. ils ont un minimum d'heures à faire et tout et tout. Bon, certains appellent ça implication communautaire, qui est un terme que j'aime bien. D'autres appellent ça bénévolat, qui est un beau terme aussi, bénévolat. Puis nous, longtemps, on les a appelés les bénévoles. Mais ce qu'on leur demandait, dans le fond, c'est pas d'arriver... les complices en tract n'arrivent pas avec une liste de tâches à effectuer, puis voilà, j'ai fait ma liste, puis c'est terminé. Hein. Les complices en tract arrivent, puis ce qu'on leur demande, c'est d'abord et avant tout une posture sociale, un état d'esprit. Mm-hmm. T'es là pour venir triper, créer en compagnie de personnes handicapées. Et déjà ça... de te mettre sur le même plancher des vaches là qu'eux autres, puis d'échanger effectivement, comme Camille l'a dit, on est dans le cours de théâtre, puis on est en train d'élaborer le scénario, puis on se fait des petites impros, puis là, ben Camille est dans le caucus avec Jeff, puis ils disent hey, « OK, on va faire telle situation », puis ils le font ensemble. Déjà ça, c'est merveilleux. Là. On vient de briser On vient de briser l'isolement, on vient de briser une petite tendance qu'il y a encore quand même au Québec dans les institutions scolaires. Tout ça, une personne handicapée se retrouve avec les autres personnes handicapées. Puis des fois, il y a des petits gâteaux. Nous autres, on fait, ben non, là, ça n'existe pas, ce gâteau-là. Ouais. Donc, c'est ça. Et là, ben, le phénomène, c'est que la complice ou le complice qui arrive fait ses heures d'implication communautaire. L'année d'après, il n'y en a pas d'heures à faire, mais il revient. Puis là, il y en a que ça fait 5 ans, 6 ans qu'il revient. Puis c'est combien d'heures à peu près par semaine être complice chez vous? Ça dépend si on a un certain nombre d'heures. C'est le même nombre d'heures que les autres qui sont inscrits, oui, participants, les comédiens qui sont là. Ça peut être 2 heures, comme ça peut être toute la journée. Okay. Ben, à vrai dire, ça dépend. C'est ça. Ben, mettons, moi, je suis complice en théâtre. Ben, là, c'est 2 heures par semaine vers la fin, parce qu'évidemment, là, le but, c'est d'accoucher d'un spectacle. C'est et ça, tout ça, faites, vers la fin, ben là, c'est plus impliquant. À toutes les années, vous faites des représentations. On parlait des représentations plus professionnelles avec la Bordée, mm-hmm. par exemple. Il y a eu le Périscope aussi. Vous avez, il y avait une coproduction, si je ne me trompe pas, aussi. Puis il y avait le Grand Théâtre de Québec. Oui, ça, c'est tout le volet. C'est quand même, c'est pas des petites salles, là. Non, ben, à partir de l'habitude qu'on a depuis plusieurs années, dans le cadre du volet formation, c'est évidemment, en danse et théâtre, ça donne un show qu'on présente au Périscope. Alors, on est là, on est super bien accueillis, l'équipe du Périscope est formidable. Et on loue même la salle de répétition pour se faire une loge, parce que là, on parle d'une cinquantaine de personnes qui sont sur scène, c'est quand même pas rien. C'est une grosse production. Ça là. Fait du monde à maquiller. J'imagine, on parlait de 2 heures. Oui, ça doit être toute une ambiance, c'est sûr. On parlait justement là, du 2 heures par semaine. C'est sûr et certain qu'une générale avec 50 persones, ça doit être toute une acrobatie. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est un événement. Ouais. Mais justement, toi, Jean-François, t'en as fait combien de productions? Est-ce que t'en as fait toutes ces années-là, toutes les 11 années que t'as fait? Non, j'en ai fait 10 ans. T'en as fait 10? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première année, j'ai juste fait de l'improvisation. OK. Ce qui ne fait pas partie du spectacle de fin d'année, mais ça fait quand même 10 productions que je fais. Donc, Est-ce qu'il y avait des spectacles en impro quand t'es arrivé en entracte? Oui, il y a toujours des matchs de prévus. Les coachs essaient toujours de trouver plusieurs matchs à caser après Noël surtout. Oui, c'est ça. À vrai dire, à un moment donné, l'impro étant une forme bien particulière, on n'essaie pas de mettre tous les ateliers dans le même show. Hein. Donc, l'impro, eux autres, ils ont leur équipe, ça s'appelle les Intontables, ils sont forts, ils sont tripants. Vraiment, là, ils rivalisent d'audace et d'imagination avec n'importe quelle équipe. Contre d'autres équipes, c'est ça? Ben, avec d'autres équipes et aussi dans certains contextes qui ne sont pas le contexte de match traditionnel là, à la LNI. Là. Ouais. Alors, par exemple, quelques soirées qu'on a faites avec nos bons potes des improvistes, où ce que là, c'est plus une série d'exercices loufoques. Que je demande à improviser. Oui, vous avez joué avec la GIF. On a joué avec la GIF au bar la Vasserette Sousanale, la Corrigane. La Corrigane. En fait, c'est pas des matchs comme Jean-François disait de Jean Eleni. C'est plus une rencontre amicale. C'est fait des improvisations sous forme de jeu. Puis ça, vous êtes toujours devant public, là, quand vous faites les rencontres. Oui. Ah oui. Puis public, hein, c'est bien particulier, public. Public, il vient voir en tract. Mais là, il entend plus parler dans tract. Oui, c'est ça, il entend parler dans tract. Mais tu sais, c'est souvent ça. Encore, on le retrouve, mais il y a 5-6 ans, à un moment donné, quand on a senti là, que ça débloquait, tu sais, des gens qui venaient, qui font... Je pensais jamais que ça allait être bon de même. Fait que, veut pas, ça les confronte à leurs propres préjugés parce qu'ils font, ouais, je l'avoue, je suis venu encourager en me disant, ça va être cute, des petits handicapés. Puis ils ressortent en disant, ben là, c'était bon, ça me brasse. Puis oui, là, c'est par moments, c'est weird parce que, tu sais, c'est pas ce qu'on est habitué de faire. Tu sais, une personne trisomique qui danse ne danse pas nécessairement de la même façon que bien des interprètes professionnels. Il y a sa sensibilité, sa façon de le faire. Puis là, je dis une personne trisomique, puis je pourrais parler d'une autre personne trisomique qui danse pas comme la première personne trisomique, mais on trouve plein de couleurs uniques et très particulières en train, qui fait que. Quand tu sors de là, tu te sens rempli, puis tu sens pas que tu es venu encourager. Non, c'est ça. Toi, Camille, quand tu vois un show d'entraque que t'es pas dedans. Là. J'ai jamais vu un show d'entraque que j'étais pas dedans. T'as pas vu Mathéo? Ah, ok, je pensais, oui, professionnel, oui. Ouais. Mathéo, oui, c'est vrai, je suis arrivée dans la salle, puis j'ai été. Je voyais des gens que moi j'ai vus. Je pense à Julien, que quand je suis arrivée 6 ans avant qu'il fasse Mathéo. Puis là, le voir sur scène, le cheminement artistique que ça lui a donné pour qu'il puisse aller sur la scène de l'aborder puis jouer à côté de Jacques Robitaille puis qu'on voit pas nécessairement de différence ou de limitation d'un côté, que ça soit juste deux comédiens qui se nourrissent pour faire une performance. Oui, c'est ça. On raconte qu'on voit les personnages puis comment justement on écrit une pièce. Parce que là, il y a Mathéo que Jean-François t'a écrit. Ouais, ouais. Comment on écrit une pièce comme n'importe laquelle ou non? Ben, je pense que chaque pièce qu'on écrit demande une démarche particulière. Donc, en tout cas, il y a peut-être des auteurs qui essaient d'une pièce à l'autre d'écrire avec une démarche similaire. Mm-hmm. Peut-être, ça se peut. Moi, j'aime bien d'une pièce à l'autre changer de démarche, mais pour Mathéo, c'est une démarche qui était assez documentaire. Je m'explique. Bon, premièrement, le point de départ de l'écriture de Mathéo, c'était un mot. C'était le mot « envahissant ». Pourquoi « envahissant » Parce que quand on parle... Je travaillais avec Mathieu et Julien, qui tous les deux ont des troubles du spectre de l'autisme. C'est comme l'appellation officielle. Oui. Mais dans ces troubles-là, il y a ce qu'on appelle le trouble envahissant du développement. Et moi, j'ai fait « qu'est-ce qui est envahissant ?» Et dès le début de cette démarche-là, Julien, Mathieu et les autres interprètes, on est chez nous, dans le sous-sol chez nous, on mange des biscuits, on boit du lait, puis on jase. On jase, puis je pose cette question-là, par quoi vous vous sentez envahi, vous, mais tout le monde. Évidemment, Mathieu étant officiellement diagnostiqué Asperger, beaucoup de choses à raconter, Julien aussi. Dans la démarche documentaire, j'ai rencontré les familles de Julien et de Mathieu, j'ai rencontré différents intervenants, lu beaucoup sur la question. Pour en bout de ligne, pas faire un documentaire, pas faire un essai, mais être bien, si tu me permets le mot, là, bien baqué par rapport à ça, bien rempli. Mais en bout de ligne, c'est pas oui, c'est l'histoire d'un personnage qui, effectivement, puis il le disait dans la pièce, qui vit avec un syndrome d'Asperger, mais c'était pas une pièce sur l'Asperger. Non, c'est ça, il y a une différence là-dedans. C'était une pièce sur ce qui n'est pas résolu en nous. Alors, ça ramène à la ça question de la mixité. Ben, du monde, ben ça, oui. Là. Puis j'étais bien content, moi, d'entendre des gens me dire, moi, je me suis identifié au bout de Mathéo. Ouais, hein? Ah ouais, mais t'es un Asperger. Ben non. C'est ça qui est formidable. C'est un peu comme on écoute Game of Thrones. Là. Tu demandes à tout le monde, là, c'est qui le personnage qui te parle le plus? Puis, genre, 9 personnes sur 10 vont dire « le nain ». Ben, tu sais, on n'est pas nain, nécessairement, mais on peut s'identifier en tabarnouche à ce nain-là qui vit du rejet, qui se bat pour justement être accepté comme il est, qui est fêtard, un peu fendant. Quel formidable personnage. Puis pourtant, c'est un handicap. Hein? C'est un handicap physique. C'est une limitation, être nain. Et on s'identifie à ça parce que, je pense que ça dit, c'est que, ben ouais, nous, on a peut-être un nain en nous. En tout cas, moi, j'ai un Asperger en moi, là, c'est ça. Je suis un metteur en scène, puis si la table chez nous est un petit peu croche, là, il faut que je la replace. T'sais. C'est comme ça. Là. Puis je peux faire attention, je peux faire semblant que ça ne me dérange pas. Mais tu sais, écoute, là, je me bats en dedans, puis ça me déconcentre. Il faut que je la replace. C'est comme c'est une autre limitation. Mais que c'est j'ai. Ça, dans le fond, on revient aux limitations. On en a toutes, là. On en a toutes, qu'on soit, que ce soit un diagnostic ou non, on a toutes des limitations. Si on me demande de danser demain, c'est sûr et certain, oubliez-moi, là, ça sera peut-être pas ce que vous voulez voir, là. Ça sera peut-être pas le meilleur show de danse. Mais c'est ça. Moi, ça fait partie d'une de mes limitations, parce qu'on en a plus qu'une, tout le monde. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça que j'aime, c'est que ça vous victimisez pas non plus. Le côté limitation, handicap, appelons-le comme on veut. Ouais. Là, il n'y a pas vraiment de tabou ici. On peut utiliser le mot qu'on... Ah oui, non, c'est sûr qu'il n'y a pas de tabou trop en track, là. Je fais attention. Des fois, j'ai tendance à dire un trisomique. Puis, c'est pas vrai, c'est pas... Il faut parler d'une personne trisomique parce que d'abord et avant tout, c'est des personnes. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à mes amis du mouvement Personne d'abord. mais, tu sais... On s'en fâche pas d'inflant du tapis non plus. Non, c'est ça. Il n'y a pas de... C'est là aussi. Puis j'aimerais ça... Là, on va prendre une pause. On va aller deux petites secondes en pause. J'aimerais ça qu'au retour, qu'on parle justement les liens qui est créé. Qu'est-ce que ça apporte en tract aussi? Parce que oui, c'est vrai, c'est pas de l'art-thérapie. C'est vraiment des productions professionnelles que vous faites. Mais veux, veux pas... Il y a quand même quelque chose de plus qu'on amène qui n'est pas nécessairement dans tous les cours de théâtre qu'on peut suivre. J'en ai suivi pendant longtemps et c'est pas avec tout le monde qu'on est qu'on reste en contact et qu'il y a des liens qui se créent parce que des fois on est obligé, bon ben gars, il y a pas beaucoup de scènes deux filles ou deux gars, donc on va mêler les gars les filles, puis il y a pas beaucoup de gars dans les cours. Bah, tu sais, on connaît tout le principe, mais je pense que vous autres vous avez pas mal de gars chez Entrac, ça vous êtes chanceux. Vous êtes pas mal chanceux parce que des cours de théâtre dits réguliers, là, il y en a pas gros des gars. Il peut en avoir deux pour huit filles. C'est tellement vrai. Ouais, sincèrement, à Entracte, c'est l'inverse de partout pour ça. Là. Et puis, sérieux, je pense que j'ai jamais jasé de ça avec un journaliste ou en entrevue de ça. C'est ça qu'il y a joué, à Entracte, il y a des gars, on manque de filles. on manque de filles, disons, parmi les participants vivant avec un handicap. Les complices, c'est l'inverse. Les complices, c'est toutes des filles. La plupart du temps, il y a quelques gars des fois, tu sais, mais t'es au secondaire, t'es un gars. Moi-même, là, au secondaire, je commence à m'intéresser à l'impro et tout ça, mais je suis pas sûr que j'aurais eu l'ouverture d'esprit, malheureusement, là, mais l'ouverture d'esprit, faut faire. Je m'en vais faire du théâtre ou de la danse avec des personnes qui ont des limitations. Oui. Malheureusement, là. Mais c'est ça, les gars, c'est des gars, tu sais. Alors que les filles, tu sens ça. Là, je sais que je sonne un peu genré, mais il y a ce constat-là qu'on fait. Mais parmi nos participants qui ont des limitations, Jeff, qu'est-ce que t'en penses? Il y a des exceptions, parce que juste l'an dernier, on était deux gars pour sept filles. Dans notre production. Ah, ben là, tu me fais mentir, tu vois. On va en parler pendant la pause, on va revenir après ça. Donc, j'ai Jean-François Plante, qui est comédien chez Entracte. Jean-François Lessard, qui est directeur artistique d'Entracte. Et Camille, qui est une ancienne complice qui a été là pendant plusieurs années. Puis, on parlait avant la pause, justement, de qu'est-ce que ça... comment ça fonctionne, le groupe Entracte? On parlait de... Oui, il y a une certaine... comment je peux dire? Oui, il y a une complicité qui se crée. Je cherche pas à aller dans le rose bonbon. Mais justement, on peut voir que comment ça fonctionne entre les genres, les nouveaux qui arrivent, les nouveaux bénévoles qu'on appelle les complices, avec... Comment on procède pour faire un mélange puis faire que le gâteau lève à la fin de la saison? On dirait que souvent, ça se fait toute seule. Moi, je sais que quand je suis arrivée la première fois, j'étais nerveuse parce que je me demandais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois agir. T'arrives, puis déjà, t'arrives dans une famille, tu le sens tout de suite, il y a une complicité immense dans une salle, c'est chaleureux. Donc, déjà, il y a une partie du stress qui s'en va. Deuxièmement, dès la première personne avec qui j'ai parlé, je pense que c'était Manu, un ancien participant, c'est la personne qu'on voit tout de suite. Ça prend pas longtemps pour voir que nos préjugés sont tellement là, alors que dans le fond, ça prend tellement pas beaucoup pour juste dire, bon, ben, je me mets à l'aise, puis je suis juste dans une salle avec tellement de personnes avec qui je vais faire de l'art pendant un an. On n'a pas le choix de mettre nos préjugés ou nos malaises de côté, là, quelque part. C'est ça, puis c'est tellement facile à faire une fois qu'on rentre dans cette communauté-là. Mm-hmm. Puis après, ben, je veux dire, on est rendu tous habitués d'avoir des nouveaux à chaque année, que ce soit des complices, des participants, donc là, l'intégration se fait pas mal toute seule. Les liens s'écrivent très vite parce que moi, depuis que quand je suis rentré la première fois en track, je suis un peu nerveux, je suis un peu personne. Puis déjà, des gens, bonjour, ah oui, tu es nouveau, c'est fun de te voir ça ici. Puis, c'est ça, il y a une chaleur au sein du groupe, là, comme disait Camille. Ça m'a impressionné. Puis même quand il y a des nouveaux qui arrivent, moi qui suis quand même un ancien, mais j'ai ce désir-là de dire bonjour, puis viens-t'en, tu vas te faire en gang. C'est un truc de gang. Oui, c'est vraiment. Ça, c'est pas des clics, là. Il faut aussi dire que c'est facile de plus être gêné quand, après le deuxième cours, on a tout fait une impro où il fallait qu'on imite un cochon parce que... il n'y a plus de gêne après ça. Camille, j'ai pas vu ton imitation de cochon. Ouais, c'est vraiment, là, faut voir que tu me fasses ça. Mais veux, pas, c'est temps. Sûr et certain que ça remet les choses en place. Ouais. Mais il y a une conscience pour tout le monde, puis pour les complices, mais les participants qui sont là, qui arrivent ou qui sont là depuis un bout, c'est... Il y a une conscience que de cette espèce d'objectif-là qu'on a en track, qui est effectivement très, qui est unique, qui est comme une possibilité d'expression qui malheureusement, d'expression en gang aussi, cette occasion de ensemble en gang des personnes handicapées, des personnes qui n'en ont pas, qui vont travailler ensemble pour monter un show, pour s'exprimer ensemble sur un paquet de sujets, un paquet de... ou qui vont réagir face à différents stimuli ou différentes situations. Comme Dominique Deblois, une de nos profs, disait à un moment donné, elle dit, les personnes handicapées, on leur demande pas toujours leur opinion. On se soucie pas toujours de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Puis il y a ça, ils arrivent en track, puis sont vus comme autre chose qu'un problème à régler. C'est pour ça qu'on, oui, on était peut-être un petit peu tannant, là, parce qu'on s'entend que l'art-thérapie, il y a des super bonnes affaires qui se font en art-thérapie, mais c'est pas notre approche, nous, en track, parce que la personne handicapée qui arrive là, on voit pas comme quelqu'un qui a un problème à régler ou il faut faire une thérapie pour régler ceci, cela. Tu sais, on fait, non, on te prend comme t'es, puis tu vas t'exprimer comme t'es, puis on veut savoir ton opinion sur un paquet d'affaires, puis c'est peut-être pas ton opinion aussi, on veut savoir ta sensation. Ton impulsion, comment tu vas réagir. Et ça, cette conscience-là d'être en train de participer à quelque chose d'unique et de précieux, je pense que ça crée cet esprit d'équipe-là. Puis cet esprit d'équipe qu'on peut retrouver ailleurs, effectivement, mais à cause... Puis tu le disais tantôt, Mélanie, que il n'y a pas 23 compagnies qui font ça à Québec... Il y en a partout dans le monde, cela étant dit, mais partout dans le monde, on sent qu'il y a un aura d'originalité, d'utilité sociale qui fait qu'être là, tu fais « wow, je suis dans quelque chose de... » Je vais dire le mot, dans quelque chose de grand et de différent. Alors, il y a ça, je pense, qui fait que les liens, rapidement, se font vite parce qu'on fait « Hey, on est une équipe hors du commun. » Une fierté qui vient. Moi, je dirais que tous les samedis, j'ai comme un sentiment d'effervescence en moi. Là. C'est « Hey, je vais en voir, triper en gang. » tous les samedis, là, je suis impatient, puis tu sais, j'ai hâte d'être là. Ben c'est ça, il y a des amitiés, à un moment donné, là, qui se créent, pas, comme je disais avant la pause. Il y a certaines, dans les formations plus régulières, si on peut appeler ça de même, que, justement, des fois, il y a des clics qui vont se faire, comme dans à peu près n'importe quelle formation. Mais chez vous, ça a l'air à être vraiment, là, on travaille en gang, on avance en gang. Puis s'il y en a un qui a une difficulté peut-être à avancer, ben gars, on va le faire avancer avec nous autres. Puis est-ce qu'il y a ce côté-là que la diversité, la différence peut-être, elle en est plus à un moment donné. Là, tu sais, vous mettez pas ça en avant-plan comme tu disais tantôt, Jean-François. Ah, le pauvre petit il est en fauteuil roulant, ben on va mettre la main là. Tu sais, je répète ce que tu disais tantôt. On dirait qu'à un moment donné, on l'oublie, là. Puis, gars, on est des humains, on est tout du monde, puis on travaille en gang. Moi, dire franchement, Puis ah, moi, ben, je pense que Camille, hein? Camille, Camille et Jeff, ils connaissent mon discours là-dessus. Ouais. Puis je respecte encore là les gens qui viennent voir un show d'entraide, puis on dirait on voit plus la différence, tout ça, mais moi, au contraire, j'aime ça qu'on la voit, la différence. Je l'aime, ah, la ouais? différence. Oui, oui. Tu sais, on entend ça, on est différents, mais tous pareils en dedans. T'sais. Non. Puis par tant mieux, on n'est pas tous pareils en dedans, on n'est pas tous pareils en dehors, on n'a pas toutes les mêmes vies, puis tout ça. Non, mais non. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Par mais contre, ce que je veux dire, c'est que la différence n'empêche pas l'évolution exactement, d'une pièce. C'est ça, je veux c'est dire. C'est ça. Puis souvent, c'est ça. T'sais, quand la personne dit on ne voit plus la différence, ce qu'il veut dire, c'est que ben, t'as donné autant d'importance à celui qui a un handicap qu'à celui qui n'en a pas. T'sais, souvent, c'est ça qu'il veut dire. Mais la différence, au contraire, elle est pour nous source d'inspiration. Fondamentale, on l'aime la différence, on tripe là-dessus, mm-hmm. puis sans vouloir faire du freak show et évidemment sans vouloir s'apitoyer sur la différence, elle est là, faisons pas comme si elle était pas là, t'sais. Alors c'est ça, c'est vraiment existe, vous vivez ouais, avec, vous ouais, faites des pièces qui ouais, en parlent pas ouais, nécessairement comme on pas parlait toujours. De Mathéo tantôt ouais. On ira pas directement avec la différence puis c'est s'apitoyer sur le sort, on va ouais. faire, ben regarde, oui, elle est là, puis on avance, puis on l'oublie à un moment donné, mais on le sait qu'elle est là pareil. Là. On l'oublie, mais on l'oublie pas. Ouais, il y a une autre chose qui m'a frappé chez Entrain, c'est que ouais, les personnes ressources, on avait les profs, puis même Jean-François Lessard, ils nous amènent à nous dépasser, mais en respectant les limites de chacun. Okay. Ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Dans ton cas, ça a été quoi? Qui t'a poussé un petit peu plus loin? Où est-ce qu'il t'a... Ben, je m'aventurais sur des terrains où j'étais jamais allé, donc j'ai découvert des côtés de moi que je ne soupçonnais pas avoir. OK. Il te fait sortir de ta zone de confort, là. Oui, c'est ça. Il nous amène à nous éloigner de notre zone de confort, exactement, mm-hmm. pour dire, oui... Dans ce rôle-là, mais t'es capable de faire. Moi, j'ai jamais joué un rôle de méchant. C'est juste en train qu'il fait ça. Dis non, je suis pas méchant. Non, Camille, ouais. Je dirais, je suis pas gentil. Ah, non, diabolique. Mais. je vais pas me faire en souffleur. Mais, c'est ça, sortir de nos zones de confort, c'est ça que j'aime beaucoup en train. Ouais. C'est ça, c'est pas d'infantiliser un handicap. Mmh. X, pas du là, tout. Pas du tout. Tout là. Ce qu'on pourrait voir, là. Ben, des fois, c'est par malaise aussi qu'il y en a qui vont infantiliser. Ouais, mais ça n'a pas l'air ton cas, Jean-François. Ça non. Pas, non, mais vois-tu, ça a l'air c'est direct dans tes cours. Oui, mais c'est en même temps, c'est le défi, mettons, l'aspect pédagogique en track, parce qu'il y a évidemment une pédagogie, une formation, tout ça. Puis là, je vais dire quelque chose qui s'applique, oui, aux personnes qui ont un handicap, mais je pense que ça applique à tout le monde, dans le fond, tu sais, c'est secouer le cocotier sans casser la noix. Alors, il y a ça, respecter, être exigeant tout en respectant l'handicap, on s'entend que là, il y a une petite zone, là, tu sais, il y a une zone dans laquelle je suis encore, est-ce que je suis en train de pousser un petit peu trop loin ou non? Puis, des fois, il y a les petits participants, les nouveaux qui arrivent, là, sont sur le mode sprint, hein, sont sur le mode, mm-hmm. je veux en prendre, je veux en essayer. Des gens qui sont là depuis plus longtemps, ben il y en a qui continuent à explorer, qui sont sur le mode marathonien, tu sais, qui avancent tranquillement. Mais des fois, ça arrive. Puis il faut le dire qu'il y en a qui ont fait « Oh, il est essoufflé, là. Il est essoufflé. » Il en a fait beaucoup en track, puis il est essoufflé. Puis ça, c'est faut avoir l'œil aiguisé pour pas prendre l'essoufflé ouais. pour un sprinteur. T'sais? Alors, c'est ça la question. À un moment donné, je fais ben oui, à la base, puis on s'entend, là, comme Jeff vient de le dire, tous les participants d'entraide adorent qu'on soit exigeant vers eux parce que, malheureusement, souvent, ils sont retrouvés dans des contextes scolaires, tout ça, parce que dès que la notion d'handicap tombe, les gens cessent d'être exigeants vers eux. Ouais. Trop souvent, attention, il ne faut pas généraliser, il y a des profs qui travaillent avec des personnes handicapées qui ont des approches géniales, mais trop souvent, il y a ça. Alors, entraide, ils font « Hey, vous me faites confiance, vous me poussez, moi, j'adore ça. » Mais ça arrive des fois que tu fais « Oh là, calmez-vous les nerfs. » Alors, il faut savoir se calmer ouais. les nerfs quand c'est le temps aussi. Mais ça se peut-tu ouais. des fois que c'est que pour certains, que c'est la première fois qu'ils se font pousser un peu plus loin, qu'ils font repousser leurs limites, ça se peut-tu? Vous en pensez, vous autres? Moi, je vous pose la question. Je pense que oui. Moi, je n'en ai pas de nom, mais il y en a qui m'ont dit que c'est ma première fois. J'étais un peu craintif, tout ça, mais on les met rapidement en confiance. Ouais. Et la question, Jeff, c'était, est-ce que tu sens qu'il y a des gens que c'est la première fois qu'on ose être exigeant tout court envers eux, là, tu sais? Peu importe, là, dans leur vie, là. Je pense que oui. Parce que trop souvent, ailleurs, on a tendance à être infantilisé ou dire faut toi. Puis en train, c'est la première fois qu'on les respecte en tant que personne avant de voir l'handicap. Il y a une autre gang là, qui font de quoi de génial hein, à Québec et partout dans le monde, c'est la gang des Olympiques spéciaux. J'ai eu l'occasion de les rencontrer à un moment donné dans un genre de congrès, colloque, tout ça. Puis rapidement, j'ai fait ouais, on est sur la même longueur d'onde pour cet aspect-là, hein, l'aspect de l'exigence. Puis c'est beau, tu sais, le sport, c'est autre chose que l'art et le théâtre, mais quelque part. On parle aussi, tu sais, parce que ce qu'on fait touche aussi le développement de la personne. Là. Ben, c'est ça, on parle que c'est pas de l'art-thérapie, c'est sûr. Mais, veux pas, à un moment donné, comme dans n'importe quelle formation qu'on va suivre, n'importe qui, on en tire quelque chose à un moment donné. Parce que l'art est une thérapie pour n'importe qui. Là, ben, c'est ça, ça existe pour tout le monde. À un moment donné, on peut utiliser notre personnage, mais ça devient un cheminement personnel, là. Mais on peut utiliser pour extérioriser, pour faire, comme Jean-François disait tantôt, un méchant, quand il est pas méchant pour 5 sous, mais tu sais, il peut essayer, on me donne le droit de jouer ça, on me donne le droit de faire le méchant, mais dans la vie, je suis pas comme ça, fait que ça lui donne un rôle de composition aussi, mais ça, c'est pour tout le monde, là. Même pour les complices. Oui. Quand je suis arrivé à la direction d'entraide, avant, bon, évidemment, j'ai donné des ateliers, puis à un moment donné, bon, je suis devenu directeur artistique d'entraide, puis j'ai eu ce questionnement-là. Je fais, bon, OK, c'est-tu de la thérapie qu'on fait? Et je suis allé parler à des gens du département d'ergothérapie à l'Université Laval. Comment définissez-vous thérapie, vous autres? La réponse qu'ils m'ont donnée était très éclairante. Ils ont dit, c'est quand on vise des améliorations spécifiques et mesurables. Alors, c'est pour ça, c'est pour ça que c'est pas le cas. Quand même qu'on voudrait dire ça. Là. On se comprend, c'est pas juste de faire on fait pas de l'art-thérapie, c'est ci, c'est ça. Non. Concrètement, quand Jeff commence l'année en théâtre, on dit pas on veut que par ton atelier, après, tu te sentes plus à l'aise pour aller passer des entrevues en recherche d'emploi. C'est un exemple. Ou quelqu'un qui a un handicap physique, parce que tu fais de la danse, après, tu vas marcher un peu plus droite. On n'est pas dans cette notion-là d'objectif mesurable et précis. Alors, à partir de là, on ne peut pas dire qu'on fait de la thérapie, parce que c'est ça, la thérapie. C'est ça. Ni au milieu, ni au niveau, par exemple, de l'amélioration au niveau psychologique. Tu sais, on n'est pas là-dedans. C'est ça. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais n'importe c'est... qui s'implique dans une activité... Puis, on a l'aspect social dans le track, là, il est là, là. Je veux dire, moi, j'entends des histoires d'isolement, de rejet, assez atroces. Cette fameuse histoire-là là, qu'on nous raconte tellement à propos des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou, un trouble du spectre de l'autisme, qui sont dans les cours réguliers, puis à un moment donné, pour X raison, l'algèbre arrive. Mm-hmm. Je dis pour X raison, la raison, c'est que c'est dans le programme. Là. Ça arrive, à un moment donné, l'algèbre en secondaire 2, puis c'est comme un niveau d'abstraction qui est plus difficile à suivre. Attention, je suis pas en train de dire que tous nos participants ne comprennent pas l'algèbre, mais c'est un exemple. Ou, autre exemple qui fait, le français, qui fait que là, OK, l'handicap fait qu'on va te placer dans un groupe spécialisé et là, il y a une rupture et il peut, pas tout le temps, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires d'isolement et de souffrance reliées à ça. Donc, déjà, en tract, en arrivant, on se dit, regarde, cet isolement-là, on te sort de ça, là. On te sort de ce sentiment d'échec-là aussi que tu as eu. L'impact social d'entracte à l'interne est là. En plus de l'impact social qu'on peut avoir par la présentation de nos spectacles qui font réfléchir sur un paquet de sujets, mais qui, font tomber des préjugés par rapport aux personnes handicapées parce qu'ils font « OK, je pensais jamais que ça serait possible, ça ». Puis qu'est-ce que les... on parlait tantôt un peu des spectateurs, mais qu'est-ce qu'ils vous disent en général en sortant de vos shows? Je m'y attendais pas. Oui, hein? Ouais, c'est la phrase que j'entends. C'est vraiment, on a résumé tantôt par... Ou j'ai jamais ri de même aussi. Aussi? Oui, bien c'est ça, ils peuvent se permettre de rire sans être jugés, de dire, hey, ben regarde, on rit pas d'une personne trisomique ou quoi que ce soit, mais écoute, si elle a le punch... ou quoi que ce soit, mais on part à rire, on rit pas de la personne nécessairement, mais le monde vont peut-être s'enlève certains tabous, là, tu sais, que si quelqu'un qui est atteint, par exemple, du spectre de l'autisme, qui est le terme que tu me disais, ben regarde, on rit pas de la personne, mais tu sais, des fois, on n'ose pas rire, on est mal à l'aise, puis c'est là qu'on devient infantilisant ou tout ça. Tandis que là, vous donnez l'opportunité au monde, ben, de voir que, ben, regarde, on est capable de rire tout le monde ensemble, puis de rire des autres sans rire des autres. Moi, j'entends. Si vous me suivez, là. Moi j'entends, je suis impressionné. Ouais, moi, il y a mon frère qui me dit, d'année en année, je trouve que c'est toujours meilleur que le précédent, dit. En tout cas, vous m'impressionnez. C'est ça, il y a cet aspect-là, mais il y a beaucoup de réactions de plus en plus face au contenu, face au questionnement qu'on pose, puis face à l'esthétique aussi. Qu'est-ce que je me suis fait dire après Mathéo, qu'est-ce que j'ai entendu de la part du public par moment? Il y avait beaucoup de sacres. ou les références à la pornographie, c'était-tu nécessaire ou tout ça, parce que ils s'attendent peut-être pas à cette liberté de ton-là, parce qu'ils se font une idée de ce que doit être un spectacle impliquant des personnes handicapées. Puis je fais ben les personnes handicapées, ils sacrent. Les personnes handicapées, ils peuvent écouter de la porno, tout ça. Ils peuvent avoir une vie amoureuse. Ça. Donc, puis n'oublions pas que aussi beaucoup de commentaires sont tout simplement détachés du fait qu'il y a des personnes handicapées. Mm-hmm. C'est-à-dire que ben moi j'ai aimé cette histoire-là, puis ce bout-là, ça rentre en tabarnouche, puis ça m'a atteint, ça m'a touché. Ce questionnement-là, ça m'a fait penser à moi. Faut pas. T'sais, de la même façon que, je sais pas, moi, Nuage en pantalon, compagnie de Jean-Philippe Joubert, fait une danse, fait un théâtre qui s'inspire beaucoup du mouvement, de la danse, mm-hmm. tout ça. Mais après le spectacle, on va parler à Jean-Philippe, on n'est pas juste en train de lui parler de la danse, on n'est pas juste en train de lui parler du mouvement. Bien, c'est la même affaire après un show d'entraque. Les gens ne font pas que nous parler de la présence du handicap, ils nous parlent du show globalement. Ouais. Puis c'est ça l'objectif. Puis je pense que si on fait ça, on peut parler qu'il y a une sorte d'intégration qui est réelle, qui fait que, ben oui, la personne handicapée a fait sa job et t'a fait réfléchir à un paquet d'affaires, a su t'émouvoir, t'ouvrir à une certaine beauté ou t'a fait réfléchir sur la laideur et tout ça. Mm-hmm. Ça va plus loin que l'handicap, et tant mieux. T'sais. Et les gens reviennent d'année en année pour voir d'autres spectacles, pour voir comment... C'est pas juste les complices. Puis en terminant, parce qu'on arrive à la fin déjà, j'aurais aimé ça continuer à vous parler de d'autres sujets aussi autour d'Entracte, puis autour de la mission d'Entracte. Pour être complice, comment ça fonctionne? Peut-être Camille, tu peux m'en parler un petit peu? Moi, personnellement, puis je sais que la plupart des complices qu'on a eus, c'était ça aussi, ça a passé par le PEI. OK. Donc, le programme d'éducation internationale qui requiert d'avoir un certain nombre de bénévoles, comme Jean-François disait tout à l'heure. Et moi, je suis tombée sur la présentation d'Entracte. J'ai vu que c'était du théâtre, premièrement avec des gens avec un handicap. Donc, je suis allée sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais. J'ai appelé Mélissa, c'était sur le papier, mais sinon, il y a le site Internet. Oui, c'est ça, sur le site Internet, Entracte au pluriel. Oui. Attends, je l'ai Entracte avec un S.com. Avec un S.com, oui. Dans la section formation, effectivement, c'est bien expliqué ce que sont les complices. Puis il y a des vidéos aussi qu'on peut voir, nous donner une idée qu'est-ce que c'est. Il y a une excellente vidéo sur les complices, effectivement. Oui. C'est ça, c'est toute personne, dans le fond, qui a envie de s'impliquer en Entracte, en tant que complice, peut le faire. On ne recrute pas uniquement auprès des programmes PEI du secondaire. Il y a des gens du cégep, il y a des gens de l'université. Aussitôt qu'on veut faire du théâtre, c'est ça? Bien, qui ont envie de vivre cette expérience-là. Nos complices, comme j'ai dit tantôt, on demande, oui, de s'impliquer puis de faire partie des projets de création, puis ils vont être sur scène au Périscope. On leur demande aussi des petits coups de main face à l'accueil de certaines personnes. Des fois, les personnes en fauteuil roulant, c'est l'hiver, ils arrivent, les bottes, etc. Un petit coup de main là-dessus. Des fois, d'assister le prof dans certaines circonstances, puis des fois de nous aider lors de différents événements, on a besoin de gens à l'accueil, etc. Mais fondamentalement, à 90%, un complice, on lui demande d'être là, puis de faire partie du show, faire partie de la création. Tout le monde peut être complice à l'entraide. Est-ce que c'est déjà commencé la saison? Parce que vous, c'est quand même c'est une grosse saison. C'est de septembre à mai? C'est de septembre à mai. Là, on parle de la saison des ateliers. Les ateliers commencent le samedi 24 septembre. OK. Il va y avoir quelques projets vidéo à travers ça pendant l'année qui sont des projets plus condensés, des blitz. D'ailleurs, qui vont attirer pour lesquels des projets qui vont attirer beaucoup de monde parce que nos réalisateurs, quand même, on a la crème de la crème. Là, on a Samuel Matteau et Franny et Léonard Bernier qui vont réaliser le premier film. Il y a Samuel qui sort son long métrage là, bientôt là, sur les écrans partout au Québec. Yannick Nolin, qui est Monsieur Kinomada, qui va réaliser le deuxième, et Elliot Laprise, qui est comédien et réalisateur quand même de plus en plus connu et apprécié à Québec, qui va réaliser le troisième film. Alors, le volet vidéo est très intéressant aussi. Puis c'est possible de dire, ben moi, je vais être complice, hein, mais pour l'un des trois films, okay. Ça se fait. Puis évidemment, il y a une limite, là, on peut pas se retrouver avec 22 personnes par groupe, mais les portes sont ouvertes puis présentement le recrutement des complices est en cours puis pour les personnes handicapées qui voudraient essayer ça en tract aussi atelier d'exploration des arts de la scène on a même un atelier d'essai demain samedi au Centre Lucien Borne. Ça c'est possible d'appeler au bureau d'entract pour se renseigner à ce sujet. Parfait. Ben, écoutez, c'est tout le temps qu'on a. C'est vraiment tout le temps. Je vais mettre les informations sur la page Facebook, les différents. Donc, je vais mettre les informations, le site Internet, puis en lien aussi votre page Facebook, des fois, si on veut en savoir plus pour être complice, ou des fois, si on veut s'inscrire pour l'année, parce que c'est quand même des grosses sessions, là. C'est de septembre à mai, là, pour des ateliers, comme on parlait. Merci beaucoup à vous trois. Merci Camille, merci aux deux Jean-François Lessard, Jean-François Plante.